Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin sport local et régional en parlant du côté des Saguenay-Chicoutimi. Les Saguenay qui ont joué deux reprises au cours du week-end, ils ont d'abord perdu 6-0 contre la formation des Vultures de Montville qui sont vraiment une puissance dans la Ligue. Et vendredi, victoire du côté des Saguenay 4-3 contre la formation des Tigres de Victoriaville. Noté deux buts de Vladislav Kotkov dans la victoire. Tammy Gignachev a aussi marqué. Jérémy Gaulot a également fait bouger les cordages pour la formation de Yannick Jean. Maintenant, les Marquis de Jonquière ont remporté une victoire de 6-3 contre les Pétroliers de Saint-Jérôme. Dans le match, Alexandre Quenel a marqué 3 buts et a amassé une passe. Mathieu Brisebois a aussi amassé 3 passes dans la rencontre. Vendredi, les Marquis ont gagné 7-2. Jean-Simon Allard a marqué 2 buts, 4 passes pour Alexandre Quenel. Dans la Ligue du Lac au Fleuve, le multiconcessionnaire et Clermont, la série est maintenant égale 1-1. Dans le match de vendredi, défaite du multiconcessionnaire 4-3 contre Charlevoix. Pour le multiconcessionnaire Maxime Desbiens, Simon Tremblay et Mathieu Michaud ont aussi marqué. Et samedi, victoire du multiconcessionnaire 5-2 sur Clermont. A noter que Jonathan Fleury a marqué un but et a amassé une passe. Simon Tremblay, Mathieu Michaud, Olivier Duchesne et Guillaume Lagarde ont aussi compté. Dans la Ligue de hockey JMS, maintenant, les Sabres d'Orbeval ont battu les Aiglons d'Allemagne 7-3. Et en grande finale, au tournoi Bantam de Saint-Anselme, les Rapides de Beaumont-Sisny ont remporté un gain de 4-1 contre les Sieurs de Trois-Rivières pour remporter les grands honneurs. Maintenant, du côté de la course à pied, ça s'est déroulé à Saint-Bruno au cours du week-end. Il y avait une compétition. À noter qu'au 10 km féminin, Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, a terminé au deuxième rang avec un temps de 40 minutes 51 secondes. Au 5 km masculin, Claude Gilbert a remporté la victoire avec un temps de 17 minutes 10 secondes. Maintenant, notez qu'au 3 km masculin, Elliott Larouche a pris le deuxième rang avec un temps de 14 minutes 38 secondes. Et également, il y avait d'autres compétitions. Au 1 km féminin, Daphné Côtier a remporté la victoire. Le sport local et régional, à danradiosport.com, à son équipe.